película, en su segundo corte, yo vi el primero, dijo como una voz, no como un texto, que es el final mismo de la película, que está dedicado a la victoria del pueblo de ayer, de hoy y mañana. Elegí estas escenas porque me parece que son como emblemáticas de la película, porque me parece que hablan mucho de la película. Y la película es una película realmente inclasificable, es una película entre la elegía y el panfleto, entre lo político y lo elegíaco, lo poético. Me parece que es una película brutal, completamente brutal, en el sentido de que toma el tema de los emigrados africanos, afganos, kurdos, albaneses creo también, que tratan de pasar, digamos, de Francia a Inglaterra por el paso de Calais, al norte. Es una película filmada prácticamente sin ninguna concesión, sin ninguna compasión por las personas a las cuales filma. En blanco y negro, un blanco y negro rabiosísimo, donde los negros son sumamente negros y los blancos son sumamente quemados. Yo creo que vamos a hablar un poco con Silvén de esta cuestión, del tema del color de la película. Y es una película muy incómoda, me parece. Al revés de lo que el cine político, el cine militante, hasta ahora nos había hecho mostrar, nos había dejado ver. Incómoda en el sentido de que, si bien la película está de parte de los débiles, esos débiles nunca son mirados con condescendencia. Lo cual a mí me plantea una primera cuestión muy fuerte, que es, ¿qué sería un arte político hoy? Es decir, ¿cómo plantearse una película claramente militante hoy? Entonces, mi primera pregunta sería básicamente en relación a esta. Y quiero preguntar a Silvén si... ¿cómo se había planteado en una película que intenta devolverle la voz a los que no tienen voz, a los que han perdido esa voz, los emigrados, los sin papeles, digamos? Y a la idea de pueblo, que me parece que es una idea muy de hace 20 años que hoy habría que reconsiderar completamente. Y que, ¿cómo pensó en esta película sobre algo tan militante, tan político, a partir de una tradición tan fuerte como la que hubo en el cine militante y el cine político de los 70 y los 80? ¿Cómo se planteó hoy hacer una película de estas características? Y agrego una última parte de la pregunta, es porque en realidad la película me parece que plantea muy fuertemente cómo se filma la pobreza, cómo se filma los marginados y cómo se filma los que sufren. Lo cual me parece un tema muy complejo y que la película aborda de una manera muy, muy extraordinaria. Buenas tardes, merci de pour nous. Por haber venido. Y merci por la introducción y la question posée. Y gracias por la introducción y las preguntas. C'est une question très importante, fondamentale, qui a été posée, qui a montré comment on range. Es una pregunta muy importante la que le acaba de hacer Cristian, y a la vez es muy amplia. Je vais commencer par répondre à cette question en faisant un tout petit détour, c'est-à-dire comment moi j'envisage un peu le cinéma de cette façon, c'est-à-dire au sens large. Va tratar de empezar por otro lugar, a dar una vuelta, para mostrar cómo él ve el cine, cómo se toma el cine. Moi je pense qu'à la base, chaque individu, chacun de, chacun d'entre nous est profondément irrégulier. C'est-à-dire qu'un être humain, pour moi, ne se réduit pas à son origine sociale, à son origine ethnique, aux représentations qu'une société peut avoir de lui. Para él, ningún ser humano es irreductible, entonces. Un être humain à la base est une personne profondément irréductible et singulière, qui ne peut pas se réduire aux représentations dominantes, à une classe sociale, à une origine ethnique. Entonces, no se puede solo parcializar a la gente y poner solo como una clase, reducir a una clase, a una etnia. Somos todos únicos y a la vez también amplios. Pour échapper à un certain nombre de représentations dominantes dans lesquelles on peut être pris, puisque forcément on est issu d'un certain milieu ou d'une certaine origine. Y para salir de ese lugar en el que estamos puestos de alguna manera, de esa posición. Il faut trouver un moyen pour mettre les choses en mouvement et mettre les choses en travail. Hay que buscar la manera de entrar en acción de alguna manera para cambiarlas. Et moi, le médium que j'ai trouvé, c'est le cinéma. Y el medio que él encontró para cambiar las cosas, para tratar de hacerlo, fue el cine. Pour moi, le cinéma, c'est vraiment un outil, un médium dialectique qui permet d'établir une relation entre moi-même et le monde, moi-même et moi-même. Para él, el cine es un medio que permite tener una relación con el mundo y de él con el mismo. Je pense que chaque individu doit trouver l'outil qui lui permet d'entrer en interaction avec le monde. Ça peut être, pour moi, c'est le cinéma, pour d'autres, ça sera autre chose, ça peut être l'écriture, la peinture ou d'autres métiers. Cada persona tiene que encontrar su propia herramienta para hacer esto. Para él es el cine, para otras personas puede ser la pintura, la música, cualquier forma de expresión. Et donc à partir du moment où on considère que c'est un outil dialectique qui permet d'établir une relation avec le monde. Desde el momento en que se ve que el cine para él es una herramienta dialéctica que permite relacionarse con el mundo. Donc de pouvoir créer une rencontre avec l'autre. Encontrarse con el otro, con el otro, con los. Ça présuppose de mettre en place une relation qui est une relation égalitaire. Lo que genera es tener una relación igualitaria con ese otro, con el mundo. Et donc, en fait, c'est une question extrêmement importante parce qu'on touche ensuite à la question de la présentation et de la représentation politique. Es una cuestión importante porque toca de cerca la representación y la representación política. Donc, quand j'ai décidé de faire un film sur la politique migratoire en Europe, une problématique que je retrouve aussi dans différents films. Cuando decido hacer una película sobre las políticas migratorias en Europa, que puede pasar en cualquier otra parte del mundo, podría haberla hecho también. Mon idée, c'était absolument pas d'aller faire un film pour donner la voix, donner la parole à quelqu'un, ou représenter quelqu'un, représenter une problématique. Su idea no fue darle la palabra a alguien y representarlo. Mon idée, c'était parce que les questions migratoires traversent tout un chacun, d'un point de vue biographique, ou bien d'un point de vue politique, parce qu'on est des citoyens. Su idea era porque él piensa que las políticas migratorias atraviesan cada uno, entonces lo que él quería hacer era. Mi idea era entonces trabajar sobre esas políticas y mostrar las consecuencias de esas políticas sobre las personas concernadas. La idea fue mostrar las consecuencias de esa política y lo que esas políticas generan a la gente, más que nada, esa era la idea de la película. Donc quand je me suis rendu par exemple dans cette ville qui est une ville très particulière au nord de la France. Cuando llego a Calais, a una ciudad muy particular en el norte de Francia, que es donde pasa toda la película. Mon idée c'était de voir quelles étaient les conséquences des politiques mises en place par l'Europe et la France, les dispositifs qui les appliquent. La idea era ver bien las políticas migratorias y cómo se aplican esas propias reglas en el lugar. Les effets de ces politiques sur les personnes concernées. Los efectos de la política sobre las personas a las que les tocan estas políticas. Y ver cómo esas personas pueden desarrollar o no estrategias de survivencia. Y ver cómo las personas padeciendo esto pueden o no desarrollar técnicas para sobrevivir. Mais ce qui était très clair à la base, c'est que pour moi, en allant là-bas, c'est aussi une façon de travailler aussi sur. C'est vraiment un rapport égalitaire et d'échange, c'est vraiment basé sur la rencontre. Travailler sur l'immigration, c'est aussi travailler sur ma propre position d'individu, sur une part migratoire dont je peux être postura. Pero básicamente yendo allá y teniendo una relación igual y par con la gente, también estaba trabajando sobre él, sobre su propia relación con esas políticas, con su, pensando también cómo son esas políticas y viviéndolas un poco. Donc en allant là-bas, j'ai été à la rencontre en fait de situations qui sont des situations politiques. Donc j'y suis allé avec un point de vue politique. Entonces, al ir allá fue de un lugar político, o sea, para tomar un punto de vista político más grande. Les conséquences de ces politiques sont dramatiques dans le sens où en fait les individus sont dépouillés de leurs droits, sont contraints de survivre dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Las políticas generan que las consecuencias de la política generan que los individuos no tienen más derechos y están tratando solo de sobrevivir y de pasar el tiempo o ver si no mueren. Mais si ces situations existent, c'est bien parce qu'en fait, les politiques mises en place par l'ordre, ont fait en sorte que ces situations soient créées. Donc ce sont des situations politiques. Pero si esto pasa es porque es una decisión política también de alguna manera que esto ocurra, entonces es por eso es que él lo ve todo en lugar desde una postura política. Ça c'est mon point de départ. Donc ça exclut tout à fait une approche humanitaire, sociale, compassionnelle qui irait voir ces personnes comme étant des victimes. Esa fue la idea inicial al principio, así que se excluía todo tipo de demagogia, de ir a ayudar y a relacionarse de otra manera más que mostrar esas políticas. Alors, son des personnes qui sont contraintes de vivre dans ces situations-là parce que les politiques ont joué. Dans le même temps, ce sont des êtres humains comme tout à chacun. Donc, pour moi, c'est extrêmement. L'idée n'était pas d'aller filmer les cons, d'aller. Para él, la gente está obligada a estar ahí. Pero igualmente no, también son humanos, como todos. Entonces la idea de él no era ir a filmar pobres y hacer algo por un golpe bajo, sino ir a mostrar lo que estaba pasando allá. Y donc aborder politiquement ces questions-là, essayer de les traduire dans un film de façon politique, ça sous-entend différentes choses. Y abordar esta película de manera política se traduce en distintas maneras. Ça peut être de filmer de façon extrêmement frontale des dispositifs comme ça qui sont mis en place par l'État, notamment avec la police, qui arrêtent des migrants dans des parcs ou ailleurs. Por un lado, mostrar lo que hace la policía, por ejemplo, filmar de manera frontal las cosas que ellos mismos hacen en pleno día, como para arrestar a los inmigrantes en un parque, pegarles. Mais ça peut être aussi filmer les individus tels qu'ils sont, c'est-à-dire non pas comme des termes génériques, grands ou sans papier, mais comme des singularités. Y también, por otro lado, filmar a la gente como es, no como con un rol de inmigrante, sino en la esencia de cada persona con la que trabajo. Donc ça sous-entend qu'il y a un travail aussi sur une dimension parfois extrêmement sensible. Et à partir du moment où on travaille aussi sur le sensible, on peut travailler sur. On peut atteindre une dimension politique dont chaque individu est porteur. Donc, se sobreentiende que quand tu travailles avec personnes, va y avoir un intercambio et termina tocándose puntos sensibles et puede llegar hasta ser poético, mais non fue l'objectif initial. Et le film est une espèce de construction, tout ça. C'est-à-dire, La película, bueno, que fue una construcción y quiero saber si eso responde a la pregunta. Sí, y me permite de repente plantear otras. Pensaba un poquito en esto que decías del cine con arte del encuentro. Y en ese sentido me interesaba saber, cuando uno filma a otro, en el cine documental, me parece, y seguramente en la ficción también, no puede dejar de filmarse a sí mismo. Quiero decir, uno filma a otro que devuelve una imagen y que devuelve una imagen de una relación que se establece entre quien filma y quien es filmado. Entonces, me interesaba saber mucho, en esta cuestión de lo que planteas como cine relacionado con un encuentro, ¿en qué los emigrados te cambian a vos? ¿En qué los emigrados te plantean problemas a vos como cineasta? ¿En qué los emigrados te ponen en una situación problemática? Quiero decir, no es solamente el cineasta que filma aquel que tiene problemas, sino que el que tiene problemas mira al que filma y le plantea problemas sobre sí mismo. Comment dirais-je, en France comme en Europe aujourd'hui, les politiques, mais c'est aussi la même chose d'une façon générale dans différentes parties du monde, y compris ici en Argentine, mais on est dans une espèce de monde comme ça où il y a une idéologie dominante maintenant qui est une idéologie néolibérale extrêmement forte, extrêmement puissante. Tanto en Argentina como en Francia, estamos todos viendo una ideología neoliberal muy fuerte y clara. Et à mon avis, cette idéologie néolibérale, elle va à l'endroit, elle va à l'encontre totale et totale de l'épanouissement des individus. De l'épanouissement et du développement personnel des individus. Et ce néolibéralisme est totalement en contre et, o sea, attaque le développement individuel. Alors, Calais, pour moi, c'est vraiment une espèce de lieu un peu emblématique de ce que peuvent être les politiques en Europe, mais aussi aux États-Unis ou en Amérique latine. Calais, pour elle, est un symbole. C'est un thème de politiques migratoires qui pourrait passer aussi aux États-Unis, pourrait passer à quelque lugar, la frontière avec le Mexique, par exemple. C'est une ville où sont concentrées des personnes qui n'ont pas pu, à l'instar d'autres par exemple, de avoir des visas. Ce sont des personnes qui sont issues de pays discriminées par les grandes puissances. Está lleno de gente, esa ciudad está llena de gente que no puede pasar todavía, que fue rechazada de su país o tuvo que escapar de sus países por problemas y fue discriminada en otros países también. Ils ne peuvent pas avoir de visa, donc ils sont obligés de développer des stratégies pour pouvoir aller en Europe. No tienen visa, entonces necesitamos tener estrategias específicas para poder entrar a, en este caso, a Inglaterra y sino a Estados Unidos. Donc, il y a une exploitation économique et en même temps, il y a un autre pendant qui est une espèce d'idéologie un peu parfois raciste et xénophobe exercée à leur endroit. Non, à la rencontre. Que no solo es una cuestión económica, sino que también es una cuestión de racismo y, o sea, de sufrimiento y padecimiento de racismo en donde están. Y a Calais, en fait, la particularité, c'est que les choses sont extrêmement visibles. C'est-à-dire que. Y en Calais, lo que pasa es que eso está muy a la vista, eso es tangible, se ve todo el tiempo. C'est un lieu où, au bonjour, on peut voir ce que sont. Profondément les politiques mises en place aujourd'hui en Europe. Bueno, se puede casi tocar lo que son las políticas migratorias en toda Europa y también en el mundo. C'est-à-dire comment des zones d'exception se créent. Cómo se crean zonas de excepción. Des zones d'exception, des zones grises. Zonas grises, zonas ocultas pero que están a la vista, zonas fuera de la ley de algún momento. Dans des zones dans lesquelles les lois sont suspendues, donc les individus sont dépouillés. Son zonas donde, como decía, la ley no está, no existe, entonces la gente no tiene derechos, le sacan todos sus derechos. Et ce qu'on voit de façon extrêmement visible à Calais, c'est des choses que l'on peut trouver dans d'autres endroits, on parle de la France, en France, de façon plus dissimulée, à Paris. Pero lo que pasa en Calais se puede encontrar en cualquier lugar de Francia también, pero más disimulado. En Calais es como muy evidente. Par exemple, et donc à partir de là, quand on est dans un lieu comme ça, forcément. tout est extrêmement exacerbé, tout est extrêmement Y cuando está un lugar así, todo está exacerbado y todo es violento. Vous êtes assis en terrasse de café, vous prenez un café, vous voyez un policier qui pourra faire un Estás tomando un café, por ejemplo, de día en una ciudad, en esta ciudad, y de repente ves que un policía sale corriendo a agarrar a un inmigrante. Vous êtes dans le parc municipal, dans le jardin public. Un couple de mariés qui a fait des photos de mariage, les migrants sont assis à 10 mètres, et tout d'un coup la police arrive. Les poursuit, les arrête devant l'arrière. Claro. Otro ejemplo, estás por ejemplo en una plaza y hay gente recién casada sacándose fotos, una pareja y unos inmigrantes en un banco al lado y viene la policía y se lleva a los inmigrantes adelante de la pareja que se está sacando fotos, o sea, es como... L'État ou la ville ne veut pas donner de lieu où personne puisse dormir, donc elle crée des cabanes dans la jungle, squat des usines désaffectées. La ciudad no les da lugar para dormir, no los deja alojarse, entonces terminan estando haciendo como pequeñas cabañitas o lugares para dormir muy precarios en lo que le llaman la jungle, que es como un descampado, pero como un poco. La jungle, c'est ce qu'on dit. Voilà, paradoxalement, ce qu'on appelle la jungle à Calais, c'est des petites forêts autour de Calais où les personnes vont dormir et construire leur. La jungle se le llama a estos lugares donde hay como bosquecitos y escampados que en las afueras y es donde va la gente a dormir y a hacer sus casitas, bueno, sus lugares precarios. Et le mot est extrêmement édifiant parce que ça renvoie bien en même temps à la signification des politiques qui sont en place, c'est-à-dire de ramener un pseudo-état de nature, des individus qui ne sont plus des individus civilisés. Y el nombre es está bastante bien puesto en realidad porque es como que es una paradoja, digamos, entre jungle como donde ellos están y a la vez remite al estado en el que estas personas quedan muy precario, como si estuvieran en la jungla. Et quand le jeune homme parlait par exemple de quand un jeune homme disait comme ça Et c'est évidemment parce que ça traduit l'état d'esprit d'un pays. Quand decía que decía Cristian, el hombre que dice que está en el medio del vivo, en el muerto, en humano, en animal, tiene mucho que ver con esto, que es algo muy común. Él le había preguntado cómo estás y contestó eso. Et ça renvoie en même temps directement vraiment au cœur des politiques, c'est-à-dire de ce que véhicule ces politiques, c'est-à-dire de déshumaniser les animaux. Et tout ça tiene que ver con las políticas migratorias que hacen que los individuos se deshumanizan complètement. L'idée c'est d'aller là-bas, d'attester de cette réalité-là, de la façon la plus juste possible. La idea es ir allá, de ser testigo de estas situaciones y reflejarlo lo más justamente posible. No pas pour, encore une fois, sans sentiment de compassion, sans misérabilisme, non, simplement parce que les situations sont comme ça et il faut les vivre. Porque esas situaciones hay que mostrarlas así como son y no hay nada para agregar en realidad, ni para que sean peores porque ya son terribles. Y après, toute la question, tout le travail, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on fait pour montrer ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on filme, comment est-ce que l'on filme. Et ça, ce sont des règles extrêmement... Ça, c'est une question extrêmement importante qui touche, qui est une question pour moi extrêmement artistique, mais aussi politique. Et que, entonces, ahí la pregunta es saber cómo, preguntarse uno mismo cómo filmar, cómo mostrar las cosas, y él tiene un par de reglas al respecto. Donc, par exemple, j'ai pu le dire déjà dans quelques introductions, dans quelques débats, mais donc Calais, c'est une ville qui est très très exposée, comme on commence à le comprendre. Et donc, il y a en permanence un journaliste, un cinéaste, que ce soit un cinéaste mainstream ou un cinéaste expérimental ou un étudiant journaliste. Calais est llena, siempre hay una cámara en Calais. Puede ser de una, para hacer una película mainstream ou para hacer un reportaje. Está ahí. Gente filmando todo el tiempo. Et d'une façon générale, on est, pour toutes ces, enfin, ce que j'ai pu observer comme ça au niveau des pratiques, hein, journalistiques aussi de cinéastes, c'est que la fin justifie les moyens. Y lo que puedo ver de todas estas prácticas de los periodistas y de la gente que va a filmar es que la idea es que el fin justifica los medios en esta gente. Y entonces todos los medios son buenos, todos los medios son utilizados para poder obtener una imagen, hacer un reportaje, hacer un reportaje. Y todos los, entonces para ellos todos los caminos son buenos para tener una imagen, hacer un reportaje, así que hacen cualquier cosa para lograrlo. Et pour moi, c'est extrêmement problématique parce qu'on assiste à des pratiques qui sont qui peuvent paraître extrêmement banales comme ça, mais qui pour moi sont extrêmement importantes. Certains journalistes vont se cacher derrière des arbres, vont payer des migrants, vont acheter des témoignages. Et ils ont des pratiques qui sont terribles et indignantes pour eux, comme par exemple, qui paraissent banales, mais en réalité, pour eux, sont terribles. Como pagarles para una nota o esconderse y robarles imágenes o comprar testimonios. Y para mí hacer un film político, se posicionar políticamente par rapport a la representación dominante, es aussi se posicionar prácticamente par rapport a las prácticas políticas. Y entonces, aussi dans sa pratique de cine. Y para él posicionarse como en ese lugar, estar ahí, también es posicionarse políticamente y como cineasta y como director, pero también de manera política. Eso no puede ser decidido. Y cuando uno regarde el film, hay que siempre poser la cuestión: ¿cómo la imagen ha sido obtenida? ¿Cómo ha sido tomada? ¿Cómo ha sido construida? ¿Cómo ha sido producida? Y cuando vemos una película, siempre hay que pensar cómo una imagen, cómo se logró tener esa imagen. Donc moi je me suis fixé quelques règles qui ne sont pas du tout des dogmes, qui n'ont rien à voir avec la morale, mais qui me correspondent, qui sont des règles de travail, qui sont des règles éthiques, et qui au vu des pratiques dominantes sont des règles révolutionnaires. Il se planteó ciertas règles pour travailler, pour les expliquer, qui sont pocas, mais très claires, et c'est une question éthique, et à la vez, il me paraît que terminent siendo révolutionnaires de alguna manière. Et la première règle, c'est ça, c'est d'abord de se présenter. La primera regla es presentarse antes de hacer la revista. Y se presentar es decir, voilà, je m'appelle Sylvain Georges, je suis un cineasta, mais quel type de cineasta, quel film j'essaie de construire, comment est-ce que le film est produit, quel type de documentaire ça va être. Entonces, presentarse para él no solo es decir quién es, sino también explicar qué tipo de películas hace, qué quiere lograr con esto, cuál es su visión política también del tema. Quel type d'esthétique j'essaie de construire, pourquoi, quel va être le point de diffusion. Explicar el plan de la, como, cómo está programada la película, o sea, qué va a pasar, qué está buscando él, el plan de la propia estética, qué quiere plantear, explicarle todo a la gente. L'idée c'est de se présenter autant de fois que nécessaire, donc beaucoup de personnes en répètent très souvent. La idée est de présenter toutes les fois que c'est nécessaire, así que se lo dijo a toda la gente con la que se escuchó. De toute façon, ce qui est un cadre pour ça, de travail qui se pose. Para que haya un marco de trabajo bien claro. Que les personnes comprennent et des éléments pour savoir qui est ce cinéaste qui arrive avec une caméra, avec les caméras en permanence. Para que la gente sepa, como están tan acostumbrados a ver cámaras todo el tiempo, para que la gente supiera que era algo diferente en ese sentido, por lo menos en saber quién está del otro lado de esa cámara. Après, je crois qu'il est extrêmement important de passer énormément de temps, c'est-à-dire plus on passe du temps sur les lieux, plus on... Enfin, c'est notre point de vue, c'est pas des règles... Voilà, c'est bon. Otra regla que tiene, que no es un dogma, pero es otra regla que utiliza, es estar mucho tiempo en el lugar, con la gente. Parce qu'évidemment, plus on passe du temps avec les personnes plus les relations peuvent se construire, plus un échange peut avoir lieu. Mientras más tiempo pasas con la gente, se generan relaciones, puede haber un diálogo. Alors après, la question c'est comment filmer. Par moment, donc déjà dans une troisième année, moi je me suis toujours interdit de filmer les gens à leur insu. Je ne vole pas des images, je ne me cache pas derrière les arbres comme les policiers. Otra regla es no robar imágenes, nunca estar escondido, como hacen las cosas. Donc je suis donc il peut m'arriver de filmer des gens de loin, je ne vois pas, mais je suis toujours visible. Il peut passer qu'il y ait des scènes de gente filmada de lejos, pero siempre está parado en un lugar donde pueda ser visto, nunca Et puis après, c'est parfois savoir quand il faut filmer, quand il ne faut pas filmer. C'est-à-dire, je pense que un grand film se juge à l'aune des images qui sont présentes et des images manquantes. Et finalement, savoir quand filmer et quand non. Il pense que les películas también se miden, no solo por las imágenes que tienen, sino también por las que no tienen. La caméra, c'est un objet qui est très ambivalent, c'est-à-dire que c'est un instrument qui peut favoriser la rencontre, qui peut créer un événement, qui peut favoriser les prises de parole. La caméra es un objeto ambivalente porque puede propiciar el diálogo, el encuentro. Et en même temps, parfois, ça peut être un objet qui est très intrusif, qui peut être dérangé. A la vez puede ser un objeto intrusivo que moleste. On peut passer des moments avec une personne, et il faut savoir le moment où on peut filmer et où on ne peut pas filmer. Il vaut mieux ne pas filmer parce que ça peut casser la relation qui a été établie. Es estar en el lugar y ir viendo cuando sí y cuando no filmar, porque a veces filmar en un momento inoportuno puede generar que se rompa una relación que se fue creando con el tiempo. Donc il peut y avoir des moments qui auraient pu donner lieu à des scènes merveilleuses qui ne sont pas filmées, mais qui pourtant sont toujours présentes dans le film, puisqu'elles sont là entre eux. O sea, que hay momentos que fueron geniales, que podrían haber estado quedado muy bien filmados, pero bueno, prefirió no filmarlos, e igualmente cree que están también en el vacío, en lo de las imágenes que decía, las no filmadas, que también están de alguna manera en el film. Ah, et puis c'est... Et en fait, le film ensuite est la traduction du témoignage, d'une certaine façon, à la fois des rencontres qu'on a eues avec les personnes. La película también es... Finalmente, es como un resumen de un testimonio de todos esos encuentros que fue teniendo a lo largo de todos esos años. Y en même temps, un point de vue extrêmement personnel, c'est-à-dire qui est le mien. Y a la vez mostrado de un punto de vista muy personal, que es el de él. ¿Se escucha? Bueno, yo creo que. La respuesta de Silván me hace renunciar a algunas preguntas. Yo quería retomar un poquito la idea de la relación que hay entre el filmador y el filmado, y si en ese sentido, esa especie de condición igualitaria que planteás te impide o casi deja de lado una idea que para mí es muy fuerte en el documental, que es que siempre se ejerce una violencia sobre aquel que es filmado. El problema que me parece que se hace muy acuciante cuando los que son filmados son los que sufren, los que están marginados, los emigrados, los sin papeles, como en el caso de tu película. Y en ese sentido me parece muy importante que has dicho, bueno, el cine está hecho de imágenes que se hacen, pero también de imágenes que uno renuncia a hacer. Y en ese sentido, la pregunta que te quería hacer era... ¿Qué tipo de relación te... Primero, si no sentiste esta cuestión de la violencia, si realmente sentís que filmás en condiciones igualitarias, es decir, el que tiene la cámara tiene una condición igualitaria frente al que he filmado, o esta violencia es absolutamente inevitable y lo que hay que hacer es trabajar sobre ella. Dejo aquí. La violence, moi, je l'ai ressentie, mais pas de la même façon, évidemment, que les personnes concernées. Elle sentit la violence, oui, mais pas de la même manière qu'elle l'estava siendo filmada. Parce que ma position, quand j'étais à Calais, elle est extrêmement claire. Pour moi, c'est extrêmement important qu'elle soit très claire. Donc, ma position, c'était d'être un cinéaste à Calais. Parce que sa position était d'être un cinéaste en Calais, et era muy clara sa position, et era muy importante pour elle que estuviera clara. Et donc, quand bien même, par exemple, moi, je peux être exposé à une violence policière, les policiers viennent. Contrôle systématiquement l'identité, expuesto también a situaciones violentas, pero de otro estilo, como que están todo el tiempo controlándolo y pidiendo papeles, eso sí. Chaque fois qu'on filme la police, par exemple, c'est un coup, c'est très difficile parce que ils vont lui poser des questions sur l'identité, il va y avoir un mignon, un douteux, il va y avoir parfois il va y avoir des insultes. Donc c'est terrible. Quand, par exemple, filmer policiers, c'était très problématique parce que il y avait pression, il y avait à veces hasta insultes, il y avait mucha pression avec le tema de los papeles. Mais en même temps, c'est. Mais en même temps, c'est pas du tout comparable avec la violence policière ou la violence d'État qui est exercée sur les gens. Igual no tiene nada que ver con la violencia que se ejercía contre les immigrants par le pouvoir, par l'État. Ça, c'est extrêmement clair. La deuxième chose aussi, c'est que dans ma relation avec les personnes migrantes, il y a une chose qui était très claire, c'est que j'excluais toute démagogie ou fausse réminérale. Par exemple, quand on. Otra cosa muy clara que pasaba con su relación con los inmigrantes era que estaba muy clara la relación, no había demagogia, no había falsa amistad, no había nada de eso. Un exemple tout bête, quand ils me demandaient, mais où est-ce que tu dors? Je leur dis, moi je dors à l'hôtel, un hôtel très cheap, mais un hôtel. Por ejemplo, cuando le preguntaban dónde dormís, él contestaba, la verdad, en un hotel barato, pero un hotel, no. Pour moi, c'est extrêmement important que les choses soient très claires comme ça. Il n'était pas question d'avoir. De les tromper, de dire que comme je l'ai vu, je suis ici à ce que faire. Para él, lo importante era que estuviera todo el tiempo claro la relación y quién era él y recalcarlo y no mentirles como vio que le hicieron un montón de veces con la mujer. Alors, après, évidemment, comme je passe énormément de temps, ça m'est arrivé de passer des nuits entières avec eux, de dormir parfois dans le temps où ils dorment. Como estuvo igualmente mucho tiempo, les pasó también. Hubo noches que pasó con ellos, durmió a veces con ellos, pero solo por una cuestión estaba ahí viviendo un poco. Ça c'était parce qu'il y avait des choses que je voulais filmer, ou bien parce que j'étais dans une relation forte avec des personnes et les choses se sont éternisées, j'en étais surprise. Pero eso era o porque tenía una relación fuerte con algunas de esas personas y se quedaba con ellos a hacer un rato, o por cuestiones de la película para filmar cosas. Alors après, évidemment, les situations sont tellement violentes. Que forcément on est traversé par ces violences, ça nous touche profondément, forcément. Igualmente, comme la violence est si forte, también lo atraviesa et también uno la siente. Donc, par exemple, les arrestations, moi, m'ont extrêmement choqué et révolté. La première fois que j'ai vu des personnes se brûler les doigts, j'étais vraiment révolté, bouleversé. Por ejemplo, cuando las primeras veces, bueno, todo el tiempo que vio arrestar gente, en muchos momentos era muy indignante, fue terrible. La primera vez que vio a esta gente quemarse los dedos con clavos para perder las huellas digitales también, fue terrible. Y en fait, el film es la resultante de todo eso, c'est-à-dire qu'un film se construye, évidemment, avec des idées qui sont travaillées en relación con la réalité. Pero la película es el resultado de todo eso. La película se construye primero con las ideas. Mais se construit aussi avec la mémoire que l'on peut avoir, avec les sensations, avec ce que l'on peut éprouver et ressentir sur les lieux, avec la mémoire aussi que l'on peut vivre les événements. Mais aussi avec les recuerdos et avec les sensations que se vivent en esos lugares, en esos momentos. Et ça renvoie en fait directement à l'étymologie du mot esthétique, à esthétis, la sensation. Et qui a tout à voir avec la palabra con esthétique, qui est esthésis, qui veut dire sensation. Et moi je pense que profondément qu'une esthétique se crée comme ça, pour montage, pour moi, etc., mais par rapport aussi à ce que l'on ressent, un bagage culturel, mais aussi la dimension sensible, émotionnelle, sensible. Il croit que l'esthétique se construit aussi de cette manière, non seulement avec l'édition et avec tout ça, mais aussi avec ce que l'on sentit en ces moments, et avec tout le bagage émotionnel qu'il y a dans cette édition. Et par rapport aux scènes extrêmement violentes qui peuvent avoir, qui peuvent se produire comme ça à Calais, mon idée c'était vraiment surtout d'essayer d'en rendre compte de la façon la plus juste possible, c'est jamais sans jamais tomber dans le spectaculaire, dans le. Y con respecto a la violencia, las escenas de violencia extrema que se vivieron, lo que él trató de hacer fue que fueran mostradas de la forma la más justa posible. Sin espectacularidad, sin amarillismo, sin. Donc, pendant la scène des doigts qui brûlent, alors j'ai eu 3 mois, je me suis beaucoup posé la question de savoir s'il fallait la tourner ou pas. Por ejemplo, la escena que se ve cuando se quedan los dedos, estuvo 3 meses pensando así, dudando si había que filmarla o no. Bueno, parce qu'en fait, c'est une stratégie de survie, hein, c'est-à-dire que c'est à la fois, on voit très avec cette scène, donc il y a une double lecture sur cette scène, c'est-à-dire que... Porque esa escena, de esa escena se puede hacer una doble lectura de la escena de los dedos. Que... D'un côté, on voit directement les effets de politique. L'idée que la politique actuelle marque au fer rouge les migrants comme les esclaves aux États-Unis n'est plus une métaphore, c'est la réalité. Por un lado, c'est l'effet, es como que en eso se ve l'effet de las políticas bien claramente, o sea, hasta simbólicamente, de alguna manera, estas políticas marcan a fuego a esta gente. Et en même temps, c'est une stratégie que les migrants développent. C'est-à-dire, en se brûlant les doigts, c'est aussi une façon de contrer un dispositif que l'Europe met en place. Y por otro lado, es una forma, una estrategia de ellos para sortear también esas políticas que por otro lado los marcan como si fueran ganado de alguna manera. Y por otro lado, poder encontrar la forma de sortear eso y poder pasar a los lugares y perder esas huellas digitales. Donc quand j'ai vu cette scène-là, quand j'ai assisté à cette pratique, je me suis posé la question de savoir si j'allais la filmer ou pas, parce que si la police ne connaît pas ce dispositif, il faut pas le filmer. Entonces la pregunta antes de filmar esta escena era si había que filmarlo o no, porque en realidad esta estrategia no era tal vez conocida por la policía, entonces tal vez al mostrarla estaba perjudicándolos. Quand je me suis rendu compte que la police française et anglaise avaient connaissance de cette pratique, il était possible de le faire. La même question se pose quand on est dans le désert et qu'on filme une traversée des migrants. Il ne faut jamais filmer des indications de lumière. Parce qu'ensuite, la police peut voir les images et arrêter les personnes. Donc, seul le filmó quand il se dio cuenta de que la policía y la francesa estaba al tanto de esto. Entonces, ahí sí, pensó que lo podía mostrar. Y por ejemplo, está otro ejemplo que, por ejemplo, cuando se filma en el desierto, la gente que está emigrando, nunca hay que filmar cuando sean órdenes entre ellos, y eso porque si no, ahí sí los están perjudicando porque están dando ideas a la policía o al Estado. Donc, cuando decidí de filmar, je me suis posé comment réaliser cette scène, parce qu'on peut la faire de façon très spectaculaire, on peut mettre une musique derrière, etc. Cuando decidió filmarla, empezó a preguntarse cómo filmarla, porque se podría haber filmado de maneras muy diferentes, muy de manera espectacular, con música o algo así. O de una manera muy corta, muy específica. Y moi, j'ai choisi de la faire en gros plan, que j'ai montré en gros plan, y de la faire durer, pour montrer que c'était un vrai travail. Y lo que él decidió fue hacerla en primer plano y dejar correr la cinta y que. Bueno, y que pasara el tiempo y que pasara toda la escena sin cortar. Es un ejemplo. No sé hasta qué hora tenemos acá, de modo tal de repente saber, ¿sabemos? Digo, para saber cuántas preguntas más podemos hacer y de repente darle... Ok, entonces, de pronto hago una pregunta más y paso el paso del micrófono al público. Yo quería hacer una pregunta más. Sí, bueno, okay. Pero él quería recalcar algo de una pregunta anterior tuya, pero... Okay. Au début, vous posiez la question sur qu'est-ce que ça pourrait être un film politique aujourd'hui. Al principio, él le preguntó que... Esta pregunta de cómo se puede hacer un cine político hoy, cómo decidió hacer cine político hoy. Moi, j'ai commencé un peu à y répondre en disant, surtout avec cette question de la présentation et de la représentation politique, cette question d'un plan d'égalité établi entre les hommes. Para él tiene que ver con este tema de la presentación y la representación política y el plano de igualdad entre los individuos. Quand vous faisiez référence, par exemple, au cinéma des années 70 en France, c'est un cinéma qui est extrêmement intéressant, il y a des choses qui sont. Cuando hablaba de los 70s, del cine de los 70s en Francia, que era muy interesante. mais c'était quand même des bourgeois. Pero es por sí mismo, ¿no? Pero también él piensa que eran burgueses. C'était des bourgeois qui allaient dans les usines pour aller faire des films avec les ouvriers. Il y avait quand même cette position de surplomb. Él cree que en ese momento eran, la gente que iba a filmar eran burgueses que estaban, iban a las fábricas a filmar, pero se posicionaban en una relación un poco de superioridad también al hacer esto. Et moi, cette question d'un rapport inégalité entre les choses me gêne. Pour moi, l'égalité, c'est pas le nivellement par le bas, c'est l'élévation par le haut. Y a él, lo que le molesta es esta cuando hay una desigualdad, porque para él, si hay que nivelar, habría que nivelarlo para arriba, no para abajo. Et moi, j'essaie de construire un cinéma qui est la recherche comme ça de ma propre singularité, d'une certaine façon. C'est l'outil que j'ai trouvé pour m'affirmer. Lo que él está haciendo al ser cineasta es una herramienta para él para reafirmarse también él como persona. Mais de m'affirmer aussi en tant qu'individu politique, comme sujet politique. Le politique étant pour moi un mot extrêmement large. Pero como la política es importante y es muy amplia también para él, es muy amplia para él, entonces también se posiciona como sujeto político. Et donc, c'est donc un cinéma qui essaie de prendre position par rapport à un certain nombre de situations politiques, très clairement. C'est un cinéma qui se positionne d'une manière très claire con respecto à la politique. Donc, je suis contre les politiques migratoires actuelles, par exemple. C'est clair qu'il est contre les politiques migratoires actuelles. Et dans le même temps, il est question de rendre compte donc, de ces réalités-là en étant le plus exigeant possible au niveau du travail cinématographique. Y a la vez tratar de ser exigente en la parte de cómo plantear esto en plano cinematográfico y que presentar algo que sea bueno. Y donc dans l'histoire du cinéma, on n'y a pas énormément de personnes comme ça. Mais il y en a quelques-uns, dont chez vous en Argentine, un grand cinéaste. Y no hay mucha gente que haga esto hoy en día. Y bueno, no hubo mucha gente tampoco, pero que entre nosotros en Argentina hay un gran cineasta que la admira muchísimo. Es Raimundo Gleiser. Yo te quería preguntar por algo que a mí me impresionó mucho en la película, que es en qué momento entreviste la estructura de la película, en qué momento te diste cuenta que la estructura de la película iba a ser la que finalmente fue. Un poco en relación a que veo la película muy ligada como al frillazo, ¿no? Como una especie de película un poco como deshilachada y muy ligada a la improvisación. Y me llama mucho la atención esa estructura y me gustaría saber en qué momento entreviste esa estructura, si esa estructura estuvo a priori del rodaje, si ya tenías una idea de que la película no podía no ser de esta manera, o si esto fue apareciendo justamente con los problemas que los materiales te planteaban en el montaje, por ejemplo. No, au départ, quand j'écris, au départ, j'ai écrit un projet sur papier pour fixer quelques idées. Al principio escribió un plano en un papel para fijar algunas ideas. Donc l'idée c'était de faire un film qui soit. Mais ça renvoie aussi à une idée de cinéma. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas faire un cinéma. Qui reprend une politique cinématographique classique. Pero que eso tiene que ver también con su idea en general del cine, que es que no le gusta no quería hacer una película clásica en el sentido narrativo. Je suis pas intéressé par la narration linéaire, No me interesa mostrar una película con principio, desarrollo, final, no era la idea. Voilà, en gros, c'est pas un film qui s'inscrit un peu dans. Ça très simplement, mais la grammaire cinématographique est très influencée en fait, par la politique artistique, d'une certaine façon. Moi, je vais à l'encontre de ça. C'est pas du tout ce genre de cinéma, je veux dire. Que, en principe, la forme de hacer cine est très liée à los principios aristotélicos, il est totalement en contre de ça, et ne está de acuerdo de con esa manera de hacer cine. Je ne suis pas d'accord, mais préfère ne pas le faire de ça. Donc à la base, déjà, j'avais envie de faire un film qui ne soit pas linéaire, qui soit composé de fragments. Entonces, primero quería hacer un film que no fuera lineal, y que estuviera compuesta por, que estuviera compuesta por fragmentos. Y los fragmentos, como les ténèbres, se renvoient les uns les autres, se télescopent. Ça, c'était la base. Y que los fragmentos se interrelacionaran entre ellos y se llevaran unos a los otros. Alors après, tout ça est mis en mouvement lors du tournage. Tout ça et toutes ces idées, en fait, sont travaillées au moment du tournage. Y esas ideas fueron trabajadas realmente mientras se filmó, o sea, fueron pasando también. Y las condiciones de tournage influencen après sur la, aussi sur la construcción del film. Y la filmación también influyó sobre la construcción y la estructura de la película. Donc, par exemple, le film sur Calais, c'est un film qui devait faire au départ 20 minutes et je devais y rester 3 mois. Al principio, la película sobre Calais tenía que durar 20 minutos y él tenía que quedar 3 meses en Calais. Et en fait, j'y suis resté 3 ans. Se quedó 3 años en Calais. Donc, il a fallu trouver des stratégies en économie pour pouvoir le faire dans des conditions à peu près correctes. Y tuvo que buscar financiamiento un poco para poderlo hacer de manera correcta a nivel estético, a nivel técnico. Il y a un certain nombre d'événements, il y a énormément d'événements qui sont apparus, qui ont survenu, donc en fait il a fallu les voir comment les construire, comment les organiser. Fueron pasando muchas cosas, entonces también mientras él estaba ahí, entonces era ver cómo organizar esas cosas que estaban pasando y meterlos también en la película. Et cette liberté que je me suis accordée, c'est vraiment, je me la suis accordée parce que pour moi le cinéma c'est vraiment aussi un espace de liberté. Y se tomó esa libertad porque para él el cine también es un espacio de libertad, su herramienta y también un espacio de libertad. Et qui renvoie aussi à une position politique dans la façon de se positionner dans la vie de tous les jours. Y que lleva a pensar también en la forma cómo uno se posiciona cotidianamente en la vida. Entonces, el film comporte como esa una dimensión un poco de improvisación, estudiada de improvisación, que renvoie un poco en términos de decor artístico, un poco a free jazz. Y entonces, la idea es verdad que la película tiene bastante improvisación y recuerda un poco al free jazz que es. Tiene que ver con eso. Bueno, mi última pregunta antes de pasar al público sería preguntarte sobre cómo aparece en vos la idea de filmar la naturaleza en la película, que me parece que tiene un papel totalmente relevante. Que me parece que se transforma en una voz casi autónoma en la película. Y me hizo acordar mucho a una frase de Benjamin, ¿no? Que dice, que habla un poco de la naturaleza muda, la naturaleza que reclama de manera muda, o de manera silenciosa, no me acuerdo exactamente cómo es la frase. Entonces me parece que se produce en la película ahí una especie de diálogo. Es absolutamente extraordinario entre los sucesos que están viviendo estas personas y una naturaleza filmada con tal detalle que quería preguntarte cómo había aparecido esta idea de ligar los sucesos con la naturaleza y de semejante manera. Vous avez déjà la réponse puisque vous l'avez dit. La frase de Benjamin est magnifique, c'est exactement ça. Dice que, bueno, la respuesta la dijo Cristian recién, que en realidad esa cita, dice todo lo que él quiso hacer con respecto a la naturaleza en la película. Walter Benjamin, je sais pas si tout le monde connaît Walter Benjamin. Walter Benjamin, c'est un philosophe allemand magnifique qui s'est suicidé en 1940. Walter Benjamin es un filósofo alemán que era genial, que se suicidó en 1940. Y a un momento donné, dans son œuvre, il a esta frase, justement, être à l'écoute de la plante muette de la nature. Y en un momento de su obra, tiene esta frase, que dice estar atentos al llamado mudo de la naturaleza. Y cuando él entiende, cuando él habla de nature, c'est pas uniquement la nature, c'est la nature. Quand il parle de la nature, il parle à la fois de l'être humain, mais aussi des éléments minéraux, végétaux. Y cuando habla de naturaleza, habla no solo de la naturaleza, sino también de la naturaleza humana, del humano y de la naturaleza. Mais l'idée très très forte et puissante, c'est que en prononçant cette phrase-là, en fait, il critique un concept d'humanisme hérité du XVIe siècle. Pero también al decir esa frase, está criticando un concepto de humanismo del siglo XVII. Voilà, c'est la fameuse phrase de Descartes, faire comme si l'homme était maître et possesseur de la nature. Por ejemplo, una crítica a Descartes que era hacer como si el hombre fuera el amo y señor de la naturaleza. Et tout le concept d'humanisme, quand on parle d'humanisme, est lié à cette phrase-là. Et todo el concepto de humanismo, cuando él habla de humanismo, está ligado completamente a esa frase. C'est-à-dire de l'exploitation de la nature par l'homme et donc de l'homme sur l'homme. De la explotación de la naturaleza por el hombre y del hombre por el hombre. Et lui propose autre chose. Il propose un autre concept d'humanisme. Y él propone otra cosa, propone otro concepto de humanismo. L'homme n'est plus là pour exploiter la nature, mais pour être son allié. El hombre no tiene que estar ahí para explotar la naturaleza, sino para ser su aliado. Et via la technique, on peut, la question de la technique vient là justement pour aider à la nature à se développer, à développer ses potentialités. Y bueno, la cuestión técnica que, bueno, o sea, él como la parte técnica ayudó a que se mostrara la naturaleza de esa manera, pero en realidad tenía todo la frase. Et donc c'est un projet philosophique et politique qui est un peu plus actuel, puisqu'on est encore nous aujourd'hui dans cet ancien concept d'humanisme, d'exploitation de la nature. Entonces este proyecto, o sea, él cree que hay que cambiar, él cree exactamente lo mismo, que hay que cambiar esa relación con la naturaleza y que eso también es una parte más de lo que muestra la película, sin decirlo. Donc la plainte muette de la nature, c'est à la fois c'est le cri des oubliés, c'est le cri des opprimés, c'est les paroles des opprimés, c'est la révolte opprimée, c'est des éléments minéraux ou végétaux qui sont martyrisés, etc. Ese grito de la naturaleza de que se habla también es el grito de los oprimidos, el grito de los débiles, el grito hasta de los minerales vegetales explotados. C'est aussi des parts intimes en soi que l'on refoule, que l'on oublie. También hay cosas íntimas que uno a veces olvida o niega. Et donc pour moi je suis très influencé par ce travail là. Mon projet cinématographique, c'est un peu ce travail-là. C'est-à-dire, c'est un travail révolutionnaire pur, mais dans une autre acception. Et comme elle est très influencée par ce travail, aussi, il tiene tout à voir avec ce travail. Et aussi, c'est tratar de ser révolutionnaire en ce sens, de changer ce type de relation. Et dans le film, j'essaie de connecter différents éléments les uns avec les autres. Donc c'est-à-dire ça va, une plume sur une plage qui est entourée d'écume devient une image politique une métaphore qui peut renvoyer à la situation des migrants. L'idée c'est de connecter tous les éléments qui sont dans un même lieu pour créer du sens. La idée era conectar todos los elementos que estuvieran en un lugar para dar sentido. Por ejemplo, hay una escena que es una pluma en la arena bajada rodeada de espuma y eso también puede hacer referencia al inmigrante que quiere irse que está en un puerto queriendo irse o llegando. C'est connecter les éléments les plus petits, les éléments les plus visibles, les plus invisibles, ou plus visibles. Tratar de conectar sin escala de valores lo visible, lo invisible, lo importante, lo más chiquito y lo más grande. De créer des connexions, de créer des liens, de créer une circulation du sens. Crear conexiones, relaciones y una circulación de sentido. Porque de fait, dans un lieu quel qu'il soit, il y a des éléments en présence, vivants ou non. Créer des relations entre ces éléments-là, c'est à la fois c'est une façon de faire apparaître la dimension politique de la situation qui existe, mais aussi cette dimension poétique. Porque en todos lados hay objetos que se interrelacionan y la idea es al interrelacionarlos, hacer salir la parte política, pero también la parte poética, o sea que tienen una relación tan completamente ligada a la poética. Ok, bueno, vamos a detenernos un poquito acá y ver quién quiere hacer una pregunta. Pasamos el micrófono. preguntas. Acércate, porque yo creo que llegamos con el micrófono. Bueno, como te dije la otra vez, yo estudio cine político y a mí me interesa un poco cómo se relacionan los cineastas con las personas que filman con sus temas, ¿no? Con sus casos. Y me gustaría saber. Me gustaría saber si de alguna manera los inmigrantes intervinieron, no digo una intervención y el malo sentido, pero si participaron en algún momento de la construcción de la película, si te indicaron algunas escenas. Y además si pudieron ver las escenas que fueron filmadas, porque cuando filmamos este tipo de situaciones, ¿no? como inmigrantes, como todo lo que es el cine político, una de las preguntas que nos hacen las personas, las comunidades, es ¿qué vamos a ganar con eso? Y nos las das y hacen esta pregunta en un sentido micro y no en un sentido macro, ¿no? Quieren saber lo que ellos personalmente van a ganar, lo que su casa va a ganar. Sí, más o menos eso. Podría desarrollar más, pero tal vez no me complico. Moi, ma position, elle est très très simple et très claire dès le départ. Je suis là-bas parce que je suis un cinéaste. Su posición siempre es clara y ya lo dijo. Él está ahí porque es un cineasta y está claro eso cuando toma. Je ne vais pas là-bas comme un travailleur social, comme un humanitaire, comme un politique ou quoi que ce soit. J'y vais en tant que cinéaste. Que no va como para trabajo social ni por trabajo humanitario ni nada de eso. Solo por un trabajo de cine, por cine. Pour faire un film, le film étant pour moi un moyen pour entrer en relation avec des personnes. Y que la película es un medio para entrar en relación con las personas, pero siempre desde ese lugar de cineasta. Donc il n'y a absolument aucune promesse. C'est-à-dire quand j'entre en relation avec les personnes, je leur explique ce que j'essaie de faire, pourquoi, mais je ne les trompe pas en leur disant. Tu vas avoir de l'argent, je vais t'aider à avoir tes papiers ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, à la base, c'est, les choses sont très claires. Le cadre est posé de façon la plus claire, juste et respectueuse possible. Voilà, ça está planteado de una manera clara, justa y respetuosa. Él no promete nada, no hace ninguna promesa, no le dice que va a conseguir papeles o van a pasar a ganar dinero, ni nada de eso. Entonces, siempre está planteado de esa manera desde el principio. Et à partir de là, il y a des personnes qui acceptent le monde. De dialoguer avec moi et d'être filmé, n'est-ce pas? Et à partir de là, la gente accepte ou non de travailler avec elle. Alors après, c'est des questions. Enfin, cinéaste, c'est aussi être humain, c'est aussi un individu. Donc après, c'est toujours aussi des questions de feeling, d'intérêt, de rencontre, des choses comme ça. Después, comme sont les seres humains, ça a à voir avec comment se llevan ou autre type de thèmes, Il peut y avoir des rencontres avec telle ou telle personne, mais pas forcément avec tout le monde, ça dépend. Puede generarse algún tipo de relación que de hecho pasó con el fuerte, con alguna persona, pero no con ninguna persona en particular. Donc en fait, parce qu'il y a trois choses dans votre. Il y a trois questions en fait. Donc sur la première question, sur la collaboration éventuellement des personnes. Con respecto a la primera parte de la pregunta, que era cómo colaboraron las personas y participaron los habitantes. Au départ, vraiment, j'étais tout seul, c'est moi qui faisais les choses, ça m'a toujours été, mais j'étais vraiment à la recherche de l'information, de la découverte des lieux. Comme j'étais seul, fue hacer el trabajo solo, estaba investigando al principio, no conocía a nadie, hizo una búsqueda bastante, una investigación bastante importante ahí mismo. Parce qu'en même temps, c'est un lieu qui est très exposé politiquement, avec les médias, les personnes doivent absolument prendre des camions, donc l'information ne circule pas comme ça, c'est très difficile. Porque la información no circula tan libremente, la gente tiene que tomar los camiones sin ser vista, hay muchas cosas que no se dicen, pero que pasan, entonces tuvo que ser una investigación muy importante. Mais après, c'est le résultat un peu du temps passé, des rencontres et des relations qui sont tissées avec les personnes. Y entonces lo que pasó, lo que se ve en el film es la relación, el resultado de una relación bastante larga con la gente, no inicia, no es que el primer día ya no tomó información. Y là, il y a des situations qui m'ont été indiquées par les migrants, alors qu'ils ne le faisaient jamais. Entonces, y hay situaciones que sí fueron marcadas o fueron contadas por los migrantes cuando en realidad no se las cuentan en general a nadie, pues son cosas entre ellos. Ouais, tu veux donner deux exemples. Par exemple, pour la scène des doigts qui brûlent, comme ça, c'est une scène pour arriver à faire les images, j'ai passé 3 mois. Por ejemplo, con la escena de los dedos, cuando se queman, estuvo 3 meses para que saliera la toma. Ouais. Et lorsque j'ai vu filmer cette scène-là, plus un certain nombre d'autres scènes, je suis rentré chez moi à Paris, et j'ai regardé les images et il n'y avait rien enregistré. Y cuando llegó, o sea, estuvo 3 meses pensándolo, pues lo hizo, y cuando llegó a París a revisar lo que había hecho, no había nada, no estaba. La caméra était en panne, je l'avais amené réparer, on m'a dit qu'elle était en parfait état de marche, et le réparateur m'a menti. Había llevado la cámara a arreglar, le habían dicho que ya estaba arreglada, y bueno, no estaba arreglada, perdió todo el material. Je ne checke pas tous les jours les images. No chequeaba todos los días las imágenes cuando las fue a mirar. Donc j'étais vraiment très très embêté. Donc, je retourne à Calais. Volvió a Calais. Et les personnes migrantes me disent: mais qu'est-ce qui t'arrive, Sylvain? Ça va, ça va, regardez. Et la gente que ya conocía le dice: ¿qué te pasa? Si estás mal, Sylvain, que tienes algún problema por la cara que él debía tener. Donc je leur raconte ce qui s'est passé. Je leur raconte ce qui s'est passé. Con todo lo que le pasó Et ils m'ont dit: mais c'est pas grave, on va refaire ça. Y ellos le dijeron: bueno, no importa, lo hacemos de nuevo. Y eso fue muy grave. Et donc la scène qui est dans le film, c'est la deuxième fois qu'on la... C'est une scène qui a été faite la deuxième fois, en fait. Y la escena que está en la película es esta segunda vez que... Alors évidemment, c'est une action comme ça qu'ils font tous les jours. C'est quelque chose qu'ils font tous les jours. Igualmente, c'est lo que ellos hacen todos los días. Más que tuvieron que hacerlo. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il me dit: viens, tu peux le refilmer de nouveau, parce qu'ils ne veulent pas en général. L'exceptionnel pour lui, c'est que le dijeran que fuera de nouveau à filmarlo, parce que c'est lo que no se le muestran a nadie. Et donc, ça, c'est vraiment la résultante, en fait, de la qualité de la relation qui avait été construite. Et ça, c'est le résultat pour lui de la relation qui se avait construite avec eux. Au même moment, d'autres personnes m'ont dit: ah bon, t'es arrivé ça, viens. Et ils m'ont montré des lieux où j'avais jamais eu accès. Et también à travers de ça, le mostraron lugares, par exemple, que no había conocido antes. C'est vraiment une question de personne, de relation. Un autre exemple, c'est par exemple la nuit. Comme Calais est une ville extrêmement violente, il y a énormément de choses qui se passent la nuit. Autre exemple est le tema de la noche, comme Calais est violente, il y a beaucoup de violence. Ahí pasan un montón de cosas a la noche. Y un jour à 3 heures du matin, je rencontre un adolescent avec qui je reste 2 heures à discuter. Y un día a las 3 de la mañana encontró un adolescente en la calle y se quedó 2 horas hablando con él. Et 2 jours plus tard, je le rencontre de nouveau à 1 heure du matin. Y 2 días más tarde lo encontró de nuevo en la calle a la 1 de la mañana. Alors que j'étais en compagnie d'un érythréen que j'avais rencontré en Libye. Cuando estaba con un eritreo que había encontrado en Libia, con el que él estaba. Y que no conocía los lugares. Y que no conocía el lugar. Donc, je lui tente lui montrer. De nuevo. Le estaba mostrando el lugar. Et donc, le jeune homme que j'avais rencontré 2 jours avant m'a dit: ah, tu es là, viens avec moi. Y el chico que había conocido 2 días antes les dijo: bueno, vengan conmigo, que yo los ayudo y les muestro también. Et il m'a emmené il m'a emmené sur la plage, comme ça, et il m'a montré cette digue et l'endroit où les Indiens sautent, mais du côté de la mer sur la digue. Et ça, c'est un endroit que je n'avais jamais vu en 2 ans et demi de présence. Y esa noche le mostró el lugar del dique donde pasaban los buceos a la noche y es un lugar que no había conocido en 2 años de estar ahí, por ejemplo. Voilà, donc la dimension participative des personnes filmées, elle repose plus sur ce genre de choses. La dimensión participativa de la gente, la participación de la gente tiene que ver con ese tipo de cosas en la película. C'était quoi la deuxième partie? Alors en fait, moi je suis en relation, il y a des migrants maintenant, des personnes qui étaient à Calais qui sont devenus des amis, avec qui je suis encore en relation. Il y a des gens qui étaient dans la película, qui ont des amis, immigrants. Par exemple, la personne qui a pris son lieu camion est maintenant à Londres, je suis en relation avec elle, c'est un ami. La personne qui s'est soulevée au camion vit à Londres ahora et son ami, par exemple. La personne qui disait si je pouvais me couper les mains vit maintenant en France, je le vois très régulièrement, c'est un ami. La persona que dice que si pudiera soportar, si pudiera, me costaría la mano, también es un amigo, vive en París. Donc cette personne-là a vu le film 2 fois, je crois, dans les 2 versions différentes. Ellos vieron la película en las dos versiones diferentes. Et pour les autres qui sont en Angleterre, là le film vient vraiment d'être fini dans sa version finale, donc ils vont recevoir des DVD. Y en Inglaterra, para los que están en Inglaterra, acaba de terminarse la versión final de la película, así que va a voilà, j'essaie de faire des projections. Il y a des festivals qui vont peut-être programmer le film en Angleterre dans différents lieux, donc des personnes vont être informées. Et autrement, je vais essayer de faire des projections dans des lieux, enfin leur envoyer des DVD. Et il y a des festivals maintenant qui vont se faire en Inglaterra, où va être programmée la película, et elle va aviser, et aussi va traiter de projeter en différents lieux pour que. Puntualmente, ¿en qué formato filmaste? El soporte, si usaste HD, si usaste filmico, ¿qué usaste? ¿Y qué dificultad encontraste vos para...? Yo trabajé también en cine documental y he trabajado con las millas y me ha sucedido muchas veces que el equipo que llevo, la cámara, lo que sea, es algo muy robable, es algo en el cual me encuentro muchas veces en una situación en la que es muy sencillo de que me roben o de exponerme a gente que no entiende qué es lo que estoy haciendo ahí, cuál es la función. Y nada, es una situación violenta que me imagino que vos la pasaste. J'ai travaillé en mini-DV. Avec une caméra Panasonic optique Leica, très bien. Caméra Panasonic optique Leica, muy bueno. En mode de filmage progressif. En mode de filmage progressif. Un micro d'ambiance et un micro extérieur branché sur la caméra. Microfono ambiente et microfono aparte enchufado. C'est tout. Nada más. Et siempre de sol. Toujours seul. Oui, toujours seul. C'est une très très bonne caméra, mais qui n'est pas très grosse comme ça, et donc qui n'est pas ostentatoire. C'est une bonne caméra, mais à la vez non très grande, donc elle n'est pas ostentosa. Et du coup, je travaille seul, je suis très réactif, elle est bien. Elle est comme seul, elle peut. Et après, sur la deuxième partie de la question, non, j'ai jamais eu aucun problème. Et sur la seconde partie, non, nunca tuvo ningún problema con que le trataron de robar nada. Jamais. Avec les migrants, avec les personnes migrantes, jamais. Non, c'est vrai, ningún problema. Non, c'est. Non, jamais. Jamais. Pas un problème. Ça ne veut pas dire que les migrants sont des anges, hein, c'est comme tout le monde. Il y a des gens intéressants, d'autres qui ne sont pas intéressants, qui peuvent être durs, il y en a qui ne veulent pas le dire. Mais. non, il n'y a jamais eu de vol, il n'y a jamais eu de pression, il n'y a jamais eu de chantage, il n'y a jamais eu de... Dice que no, no es que tampoco los inmigrantes sean todos ángeles, que obviamente hay gente buena, mala, no sé, hay de todo, pero que nunca hubo ni chantaje, ni presión, ni agresión en ese sentido con el tema del trabajo y las herramientas. No, el problema es plutôt avec la police o avec... El problema es más con la policía, las instituciones, eso fue un poco más problemático que los inmigrantes. Yo te quería preguntar un poco sobre el trabajo sobre el blanco y negro. Porque me parece que en algún momento de la película hay un testimonio de uno de los inmigrantes que dice sentirse calcinado por dentro, quemado por dentro. Una imagen bastante impresionante. Y el trabajo sobre la actividad de la película es muy crispado, ¿no? Trabajo sobre negros muy profundos, sobre blancos muy quemados. ¿Siempre te viste la idea de filmar la película en blanco y negro o fue una idea que apareció con el correr del trabajo? ¿Cómo fue ese proceso? No, moi j'ai toujours voulu travailler en noir et blanc. Siempre quise trabajar en blanco y negro. Pour l'instant, je me sens pas du tout prêt à travailler en couleur. Todavía no se siente preparado para trabajar. J'ai fait juste deux films où il y a un peu de couleur, un film qui avait été d'ailleurs présenté ici là. L'année dernière, mais c'est plus cette titre un peu expérimental pour tester des choses. Hizo una película que tiene un poco de algunas partes en color, pero que fue presentada para el año pasado, que era la posible, ¿no? La Sahaja, que era una especie de experimento que tenía que ver también con Calais, pero distinto, fragmentado. Non, en fait, moi je veux vraiment travailler en noir et blanc parce que, j'essaie de travailler sur des sujets qui participent un peu de l'extrême contemporain. Donc, y le interesa trabajar en blanco y negro porque tiene que ver con el tema que está tratando, con el extremo contemporáneo de este momento. Avec donc sur des sujets qui peuvent parfois être traités par les médias d'une autre façon. Con temas que pueden ser tratados por los medios, pero de otra manera. Y dont on parle quand même un peu dans les médias. Igual se va a hablar en los medios de este tipo de temas. Et de surcroît, je travaille avec un support, parce que là, en l'occurrence, pour des raisons économiques, c'était de la vidéo, c'est un support que les médias aussi utilisent. Il usó un medio, le support que usó, es un support que también es utilizado por los medios, en realidad. Et donc, je trouvais intéressant de travailler en noir et blanc, parce que c'est une façon d'établir une distanciation, comme ça, avec ces éléments-là. Entonces, lo que él quiso hacer en blanco, al utilizar blanco y negro, fue diferenciarse un poco del tratamiento de los medios de este tipo de temas, ¿no? Es algo distinto. Y en distanciando las cosas, ellas son de tanto tiempo. Cuando las cosas, cuando una distancia se distancia de las cosas, a veces se acercan más. Après, il y a une idée aussi de travailler sur la notion un peu de document, de trace, d'archive. Y después la idea de trabajar sobre documentos, sobre huellas, sobre archivos, con archivos. Et de renverser des idées un peu admises sur la conception de l'archive. Y dar vuelta un poco las ideas que hay preconcebidas con respecto al archivo, a las imágenes de archivo. Alors, usuellement, par exemple, les archives, elles les considèrent comme étant en noir et blanc, et donc se rapportant à un élément extrêmement lointain. En general, las imágenes de archivo son blanco y negro y tienen que ver con imágenes viejas, antiguas, de otra época. Et je trouvais ça intéressant. De travailler sur la notion de document de trace d'aujourd'hui en utilisant cette idée-là qui est très admise. Il me paraissait intéressant de travailler sur un thème d'aujourd'hui, en documental, con algo que ya está tomado como imagen de archivo, como que se piensa como imagen de archivo, pero en un tema de documental. Pero la diferencia es que los hechos no pasaron hace mucho tiempo, sino que ahora, que están pasando ahora. Et donc, ça peut créer un effet d'étrangeté. De la même façon que on peut ressentir un effet d'étrangeté quand on voit des archives de la Première Guerre mondiale en couleur. Y claro, y puede chocar un poco de la misma manera que podría chocar ver una imagen de archivo de la Primera Guerra mondiale en color, por ejemplo. Usualmente, on a l'habitude de voir les archives de la Première Guerre mondiale en noir et blanc, et quand on les voit en couleur, on est très surpris. en general uno ve, uno está acostumbrado a ver archivos de la Primera Guerra Mundial en blanco y negro, y cuando se ve en colores uno se sorprende. Y entonces acá es como una posición simétrica, ver algo nuevo pero en blanco y negro. Après, c'était aussi noir et blanc, c'est aussi parce que je filme en vidéo et en couleur. Après, je travaille énormément en post-production. Y él trabaja en realidad en blanco y negro y en color, y blanco y negro es post-producción también. Et je trouve amusant comme ça un support qui est partagé avec les médias dominants. Y lo que decía antes, que le pareció interesante usar este medio, la cámara, que es algo utilizado por los medios dominantes. Travailler de cette façon-là à partir d'un support qui est un support partagé, c'est aussi une façon de travailler sur la notion de représentation et de faire une critique sur la représentation des médias dominants de Y a trabajar con ese mismo instrumento, con esa misma herramienta, también la idea era tener una visión crítica y espero desde el mismo lugar, o sea, con la misma herramienta. Et puis après, il y a un usage un peu métaphorique du noir et blanc. Y también hay un uso un poco metafórico del blanco y negro. Il y a un mot qui revient sans cesse dans les. Il y a un motif qui revient sans cesse dans les politiques migratoires en France, mais aussi à l'étranger, c'est le motif du flot de l'avenir. Hay un leitmotiv que tiene mucho que ver con los migrantes, que es el tema del fuego y de la quemadura. Es una palabra que se usa mucho. C'est par exemple des personnes qui se brûlent les doigts. Gente que se quema, por ejemplo, los dedos. C'est par exemple des Tunisiens ou des Marocains quand ils essaient de traverser la Méditerranée. On les appelle les brûleurs. La gente de Túnez, cuando cruza por el Mediterráneo, los llaman los quemadores, los que queman. On les appelle les brûleurs parce qu'ils laissent leur papier. Y lo llaman así porque dejan sus papeles, sus documentos en el lugar de donde salieron y los queman. C'est aussi un sentiment que des migrants peuvent ressentir. Il y en a beaucoup qui me disent, tu nous vois comme ça, en apparence du monde, mais à l'intérieur on est entièrement brûlés. Y también tiene que ver con cosas que escucho mucho de los inmigrantes, que dicen, me ves bien así, pero en realidad estoy quemada por dentro, estoy aquí. Que es lo que decía recién. Et donc moi j'ai essayé avec le noir et blanc parfois de l'utiliser de façon métaphorique, c'est-à-dire d'utiliser. Entonces trato de con el blanco y negro utilizarlo de forma también metafórica. En jouant avec des accidents de tournage ou bien parfois en couleur. A veces jugando con la misma filmación y a veces provocando. Parfois il peut y avoir des images qui sont surexposées ou sous-exposées. Hay imágenes sobreexpuestas. Quemadas, pero a veces son accidentes, a veces son a propósito. Moi j'ai joué avec ça, donc parfois je fais des blancs très éclatants, presque brûlés. A veces hay blancos casi quemados. Qui renvoient ou des noirs et blancs, ou des noirs, et ça renvoie au motif de ce motif que vous avez à brûler. Y tiene que ver, o los negros muy profundos, y tiene que ver con remitirse también al tema este de la quemadura, del fuego. En fait, il y a l'étymologie du mot pamphlet, en fait, c'est pamphleto, ça veut dire tout brûlé. L'étymologie de la palabra pamphleto quiere decir pamphletos, que es quemar todo. Dans les pièces, par exemple, grecques, les tragédies de Sophocle, on entend, on peut lire ce mot-là parfois, tout brûlé, pamphletos. Y en las tragedias de Sophocle, por ejemplo, se puede leer eso, pamphletos, que es quemar todo. C'est comme ça qu'en fait, on a qualifié les pamphlets comme étant des écrits incendiaires. Por eso se califica los panfletos de esa manera, si los vamos a ver, porque son como escritos incendiarios. Et donc par rapport aux politiques dominantes qui incendient les individus. Con respecto a las políticas dominantes que incendian a los individuos. Moi, j'essaie de faire un travail qui serait une espèce de poème filmique incendiaire. Yo trato de hacer un trabajo que fuera una especie de poema fílmico incendiario también. Donc, qui renverserait qui révolutionne en fait les politiques actuelles. Si les politiques sont incendiaires, on va incendier les politiques. Que révolutionne. Para tratar de revolucionar de alguna manera, o sea, si las políticas son incendiarias, bueno, vamos a incendiar también esas políticas. Esa era la idea. Bueno, lamentablemente tenemos que cortar. Yo quiero agradecer mucho a señor George su disposición a hablar con nosotros y bueno, a todos ustedes por haber venido. Espero que película, francamente, lo hagan, porque me parece que es una película increíble y que plantea muchas de las cosas que se plantean en la charla y seguramente muchas de las que no pudimos plantear, que tenemos tiempo, que capacidad mía fundamentalmente dejó de lado. Pero de ella, muchas gracias. Gracias.